Signe de Alcool de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. Signe. Je suis soumis au chef du signe de l'automne partant. J'aime les fruits, je déteste les fleurs. Je regrette chacun des baisers que je donne, tel un noyer gaulé dit au vent ses douleurs. Mon automne, éternel ô ma saison mentale, les mains des amantes d'antan jonchent ton sol. Une épouse me suit, c'est mon ombre fatale. Les colombes, ce soir, prennent leur dernier vol. Fin du poème. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.